qui est grave, sale fou. J'avoue. Merci, merci, mais ça on le sait déjà. Chaque fois qu'on monte sur scène, on fait des gars. Ils sont tous à venir, la relève de Paris. Mais on ne leur a pas dit que c'est elle, ça paraît ultimaire. J'en ai marre des égos de à la con. Trop conneries à la con, sans fumer à la con. Ça fiche qu'on tourne en rond. Qui est nous, qui est bon, qui les sent et qui monte. On a compris que c'est la honte. Frère, les rappeurs vieillissent au sein du premier service. Passe-nous de Mike sans fil, qu'on s'épile. C'est la fin d'un cycle, fin du premier round. Qui porte tout droit à la un coup de dans la face, laissez-nous la place. Ils ont tellement posé de merde qu'on doit tirer la chasse. Me fâche, ils détestent la hache de guerre, ils peuvent rien faire. Tous les vieux ont grave les nerfs, leur laisse un goût amer et repart confiant. C'est fini, nique ta mère, place à mon rap conscient. J'traitais du meuf tout en respectant les anciens. Un retour aux sources pour se laver. Les mages se passent, des tas de phases. Les crasses, les petites traces, les phases, les petites traces. Un maïs, c'est l'extase. Ramasse les esclaves, j'y vale, je m'esclave. Les bases, faites face, les bases, faites place. Avec un freestyle, rien de plus. Cherchez l'intrus, je fais de l'origami, je viens de plier l'instru. J'ai pas la jambe, t'es pas là, j'suis à part à mon follow, j'ai dans un pas là, j'suis relégué, mon amas, l'arabe de mal, ensuite c'est par là, impossé de savoir, c'est pas grave, c'est un escar là. Il crache sur le hip-hop, certains regrettent ses valeurs, mon côté des bobos migrateurs, de l'autre des râleurs, tous des menteurs, j'ai peur, mais j'ai gardé la foi, retour aux sources, ce soir le vocodeur a perdu sa voix. J'sais pas si t'as compris, mais c'est fini de jouer, depuis mon compris sur le vocal, ils veulent tous m'amadouer. J'sais pas ce que dire, j'sais pas si tu fais, j'sais qu'à que du pire, la classe la dire, ne pas te trop dire, c'est pas si t'en prie, mon j'avoue, j'crois que j'suis doué. Yo, lyricalement appliqué, qu'elle fasse la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour bien kicker. C'est péta, tantôt péta, c'est voilà ce que les combats la tige, mais caché un saut de terre, non, moi c'est sans seul. Le son est propre, mec, c'est là, bon, on m'arrête. Encore de petits palettes, on vient d'une autre planète. Oh, elle dit, ça continue encore et encore. Aujourd'hui, le micro d'argent s'est transformé en or. Yeah.